Les muses s'amusent. Capucine, enfantine, maligne et mutine, butine de fleur en fleur, de cœur en cœur, et câline le bonheur de douce et belle humeur. Pateline non chafouine, jamais elle ne chouine ou rumine, mais de son aide est bien ratine. Mélusine, sa belle cousine, tour à tour, matine, sublime, féline ou sanguine, sans détour, lutine, taquine, tambourine ou fulmine, mais jamais, oh grand jamais, ne bouquine. Pas tendre, la fille salamandre n'a que faire de clarissandre. Les mots, floribole et gaudriole, de son aide, elle oublie le bol. Cavalière, fière et altière, un tantinet casanière, la muse arquebuse, peu vertueuse, et capricieuse et facétieuse, rarement audacieuse, souvent odieuse et vicieuse, soucieuse et souffreteuse, parfois talentueuse, mais toujours dédaigneuse et de son aide oublieuse. Après 30 ans de silence, sans science ni conscience, les mots fusent et se bousculent. Mais ces muses, tarentules, arquebuses sans scrupule, sur ma lassitude spéculent, muse, et à mes dépens s'amuse. Clarissandre.